بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, aujourd'hui le 14 du mois de Rajab de l'année 1441 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous nous réunissons ici dans cette mosquée Masjid al-Rahma de la ville d'Evry pour la 7e assise ou la 8e assise de notre série concernant les caractéristiques principales des gens de la Sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a, pour étudier aujourd'hui cette 7e caractéristique qui est la position des gens de la Sunna et du groupe en ce qui concerne Al-Ulama, les savants, et qui sont Al-Ulama. Sachez, Arhamukumullah, qu'Allah vous fasse miséricorde, que la science fait partie des plus grands biens que Allah tabaraka wa ta'ala accorde à son serviteur, et elle fait partie, l'étude de cette dernière fait partie des meilleures des œuvres par lesquelles le serviteur se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme cela, Allah azza wa jal dit dans le sens approximatif de ses paroles dans la sourate numéro 35, le verset numéro 26, sourate numéro 35 qui est sourate Fatir, le créateur, où Allah azza wa jal dit dans le sens approximatif de ses paroles: certes, ceux qui craignent Allah le mieux, ou exclusivement, ce sont les savants, ceux à qui il a été donné la science. Comme cela, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens approximatif de ses paroles dans surat al-Mujadila ou al-Mujadala, dans le verset numéro 11, où il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens approximatif de ses paroles: Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Comme cela, il dit dans le sens approximatif de ses paroles dans surat Ali Imran, surat numéro 3, le verset numéro 18. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité digne d'adoration à part lui, le puissant, le sage. Comme cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens approximatif de ses paroles: certes, les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar, ni dirham, ils n'ont pas laissé d'argent en héritage, mais ils ont certes laissé en héritage la science. Celui qui a pris cet héritage, cette science, aura certes pris une grande chose, une grande part. Comme cela, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens approximatif de ses paroles: celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension dans la religion. Nous voyons par ces textes du Coran et de la Sunna la place élevée qu'occupent les savants, les doués de science, ceux à qui Allah tabaraka wa ta'ala a voulu du bien, leur a accordé de prendre cette grande part, la part de l'héritage qui a été laissé par les prophètes et les messagers, la science dans la religion. La science qui est voulue ici, bien sûr, dans ces textes-là, c'est la science dans la religion. Ce n'est pas n'importe quelle science, n'importe quel savoir, c'est le savoir de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. En premier lieu, il nous convient de savoir qui sont les savants. Puisque nous parlons des savants, il faut revenir vers les savants. Nous prenons la science des savants. Mais qui sont-ils? Comment peux-tu reconnaître qui fait partie des savants et qui n'en fait pas partie? Pour cela, bien sûr, les ulama, les savants, ont éclairci ces points et ont laissé pour nous des facteurs et des repères afin de reconnaître qui sont les savants de ceux qui n'en font pas partie. Nous retrouvons cette parole de l'imam Shatibi rahimahullahu ta'ala dans son livre Al-I'tisam, qui est un livre très connu et très important en ce qui concerne la connaissance de la sunna et la différence entre cette dernière et Al-Bid'a, l'innovation. Dans son livre Al-I'tisam, il dit, dans le sens approximatif de ses paroles, il dit que le savant, Al-Alim, si les savants n'ont pas attesté de lui que ce dernier est un savant, eh bien il reste sur la base, Al-Asl, en ce qui concerne son jugement, c'est-à-dire l'absence de science. Jusqu'à ce que autre que lui parmi les gens de science atteste que lui qu'il fasse partie des savants et que ce dernier sache en lui-même ce qui a été attesté à propos de lui, c'est-à-dire qu'il fait partie des savants. Sinon, s'il n'a pas su cela, s'il n'a pas été attesté de lui qu'il fait partie des savants, eh bien, il restera sur la certitude que il ne fait pas partie des savants, sur la certitude de l'absence de science, ou alors il restera sur le doute de cela, qu'il fasse partie des savants ou non. Dans le sens approximatif des paroles de l'imam Ash-Shatibi. C'est-à-dire que cet imam, rahimahullah ta'ala, nous a donné des repères, une règle très claire qui nous permet de reconnaître qui sont les savants de ceux qui n'en sont pas. Une règle qui est très claire. Il nous dit que celui qui sera estimé, jugé comme étant un savant, c'est celui que les autres savants auront jugé de lui, qu'il en fait partie, qu'il fait partie d'eux, qu'il fait partie des gens de science, des savants. Et jusqu'à ce qu'il sache que les savants jugent de lui telle et telle chose, c'est-à-dire qu'il ne doit pas penser qu'il fait partie des savants, c'est-à-dire qu'il n'a pas entendu les savants dire de lui qu'il faisait partie des gens de science, des savants. Ici, on remarque dans cette explication, dans cette règle que nous donne l'imam Shatibi, rahimahullah, des points très importants. Le fait, premièrement, la base de sa parole, qui est le fait que la manière que nous avons de reconnaître les savants, c'est que les savants ont jugé de eux déjà qu'ils faisaient partie des savants, et ceci de père en fils ou de génération en génération, comme on dit. C'est-à-dire que les savants qui jugent d'un tel qu'il fait partie des savants, eh bien, ces savants-là, on a jugé auparavant de eux qu'ils font partie des savants, et ainsi de suite, ceci jusqu'à remonter aux premiers savants de notre communauté qui sont As-Sahaba, radhiyallahu alayhim ajma'in. Un autre point que nous remarquons ici dans cette explication, dans cette règle donnée par l'imam Ash-Shatibi, rahimahullah, le fait que ce sont les savants qui jugent qu'un tel ou un tel fait partie des savants. Ce ne sont pas les ignorants, ce ne sont pas les gens de la masse, ce ne sont pas n'importe qui va s'avancer à dire un tel est un savant et un tel n'est pas un savant. C'est un point qui est très important, qui au jour d'aujourd'hui est très peu respecté, et tout le monde s'avance à donner un jugement sur telle et telle personne en disant un tel est un savant, un tel est un grand savant, un tel est le plus savant des gens de la terre, un tel ne fait pas partie des savants. Ceci est aussi une parole que nous entendons beaucoup. Et la personne qui aura dit cette parole-là, il se sera certes avancé, lorsqu'il ne fait pas partie des gens de science, sur une chose sur laquelle il n'a aucune science. Car une règle qui est très importante de connaître est que عدم العلم ليس علما بالعدم. C'est-à-dire le fait que tu n'as pas une science sur quelque chose, ceci n'est pas une science en soi-même. C'est-à-dire que tu n'as pas la science, tu n'as pas le savoir, tu n'as pas la certitude qu'un tel est un savant. Cela ne veut pas dire que telle personne n'en est pas un. Le fait que tu ne saches pas, il ne t'a pas été rapporté, tu n'as pas entendu l'ulama, les savants dire de un tel qu'il fait partie des savants, ceci ne veut pas dire nécessairement que cette personne ne fait pas partie des savants. Simplement, il faudra que tu cherches, il faudra que tu demandes, il faudra que tu t'enquérisses auprès des gens de science, est-ce que telle personne est un savant ou non. Chose sur laquelle beaucoup de gens s'avancent sans science, en particulier de nos jours. Donc je vous invite, hafidhakumullah, à être encore une fois minutieux lorsque vous parlez des gens de science, à savoir si un tel fait partie des savants ou non. Ne t'avance pas à dire telle personne ne fait pas partie des savants ou telle personne est un savant sans avoir été précédé par qui ? Par l'ulama, par les savants. Non par les étudiants en sciences, tel étudiant en sciences a étudié chez telle personne, il me dit que c'est un savant. Non, ce sont l'ulama. Si on te dit qu'un tel, si un étudiant en sciences te rapporte d'un tel qu'il fait partie de l'ulama, il doit te rapporter la parole d'un alim, d'un savant comme lui, qui aura attesté de sa science, comme nous l'avons vu ici dans cette règle qui nous est donnée par cet imam, l'imam Shatibi, rahimahullah ta'ala. Ici, un point très important à savoir et à bien comprendre. Une autre chose, il nous convient de connaître et de savoir qui sont les ulama. Al-Rabbaniyoun, ceux qui éduquent les gens, comme il a été rapporté d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dans son explication, dans son tafsir, dans son exégèse du verset, où il dit que Ar-Rabbaniyoun, ce sont ceux qui éduquent les gens sur les fondements de la science avant ses ramifications, ou sur ce qui est plus simple dans la science, les, comme il a été rapporté en arabe, sirarul ilm qabla kibarihi, c'est-à-dire les choses les plus simples, ce qui est voulu ici, ce sont les choses les plus faciles, c'est-à-dire qu'il ne commence pas par des affaires. Ar-Rabbani, le savant Rabbani, c'est celui qui éduquera donc les gens qui sont en face de lui sur les choses qui sont à la portée de la personne qui est en face de lui, et non en rentrant sur des affaires qui sont des affaires difficiles à comprendre. Et ce savant Rabbani, celui de qui il convient de prendre la science, est celui qui, comme le disent certains parmi l'ulama, comme par exemple Badruddin ibn Jama'a dans son livre Tazkirat al-Sami'a wal-Mutakallim, fi Adab al-Alimi wal-Muta'allim, qui fait partie des livres important, lorsque tu souhaites, tu désires apprendre la science, tu désires savoir comment apprendre la science, comment te comporter en tant qu'étudiant en science, comment te comporter avec le savant, comment le savant lui-même doit se comporter. Dans ce livre, ce savant Badruddin Ibn Jama'a a répertorié tous ces comportements-là. Il dit dans le sens approximatif de ses paroles, sache que tout ce qui a été évoqué en ce qui concerne la science et les bénéfices tirés de la science et les vertus de la science et des savants, ceci a été évoqué en ce qui concerne les savants qui œuvrent selon la science qu'ils ont reçue, ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala et ceux qui désire par cette science qu'ils auront appris le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala et le fait de se rapprocher de lui dans son jardin des délices. Et ces vertus qui ont été rapportées à propos de la science, de l'étude de la science et des savants, ne concernent en rien ceux qui ont demandé la science avec une mauvaise intention et qui ont voulu par cela, par leur étude de la science et le fait de devenir des savants, entre guillemets, qui auront voulu des biens de ce bas monde. Parmi un haut rang, des biens matériels, comme cela, le fait d'avoir beaucoup de suiveurs et d'élèves. Et ici, Ibn Jama'a nous a résumé les principales et les plus importantes caractéristiques qui différencient les savants ar-rabbaniyoun, comme on l'a expliqué, ceux qui éduquent les gens, de des savants qui sont appelés savants car ils ont acquis une science, mais qui ne sont pas des savants de bien, qui sont des mauvais savants. Ces derniers, qui ne seront pas caractérisés par ces caractéristiques qui ont été évoquées par Ibn Jama'a ici, lorsqu'il a caractérisé les savants ar-rabbaniyoun, les savants de bien, ceux qu'il convient de qui il convient de prendre la science, qui sont la crainte révérentielle en Allah tabaraka wa ta'ala, at-taqwa, le fait de vouloir par cette science qui sera apprise et qui sera enseignée le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait d'œuvrer selon cette science qui sera apprise. Ces trois caractéristiques qui sont les caractéristiques principales des savants ar-rabbaniyoun, ceux de qui nous parlons aujourd'hui dans ce cours. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde que la position des gens de l'innovation sur laquelle ils se retrouvent tous et ils se rencontrent et ils se mettent d'accord est le fait que dans leur ensemble, ils critiquent et ils rabaissent. Parfois, ils médisent et calomnient les savants de la sunna. Et ils œuvrent à éloigner les gens de ces derniers. Et ils œuvrent à les faire tomber aux yeux des gens de la masse des musulmans. Même si, dans cela, ils se concurrencent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas égaux dans cela. C'est-à-dire que certains parmi eux, les gens de l'innovation, œuvreront à cela plus que d'autres et seront plus assidus dans cela que d'autres, comme nous allons le voir dans le cours. Et certaines sectes égarées seront pires que d'autres dans cela. Mais c'est une chose sur laquelle ils se retrouvent et ils s'accordent. Comme le dit Al-Imam al-Tahawi dans son livre Aqidat Ahl-Sunnah, dans le sens approximatif de ses paroles, qui est un recueil, un épître qui a été rédigé par cet Imam al-Tahawi concernant les fondements des gens de la Sunnah, où il dit dans le sens approximatif de ses paroles, et les savants parmi nos prédécesseurs, ceux qui sont venus avant nous, puis ceux qui les ont suivis parmi At-Tabi'in, les gens du bien et du Asar, c'est-à-dire ceux qui ont suivi les traces des compagnons, ceux qui ont suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les traces des compagnons, les gens de science et de réflexion. Ces derniers ne doivent être évoqués que en bien et par des belles paroles. Et celui qui les rappellera en mal, par des mauvaises paroles, celui-là ne sera pas sur la bonne voie, sur le bon chemin, dans le sens approximatif de ces paroles. Ici, l'importance de rappeler cette parole de l'imam al-Tahawi, qui est une parole parmi les paroles des gens de science, l'importance que nous relevons de rapporter cette parole de l'imam al-Tahawi et le fait qu'il a écrit ce livre cette épître, qui est connue comme l'Aqidah al-Tahawiyya, que vous connaissez tous. Il a écrit cette épître pour répertorier les caractéristiques principales et les fondements des gens de la Sunna. Et il a rentré cette caractéristique ou ce fondement parmi les fondements des gens de la Sunna. Comme cela, l'imam Abu Hatim al-Razi, dans un épître qu'il a écrit avec l'imam Abu Zur'a al-Razi, qui est connu, et au jour d'aujourd'hui, nous avons certains de nos savants qui ont expliqué cette croyance. Bien sûr, l'Aqidah Tahawiyya a été expliquée par beaucoup de nos savants contemporains. Comme cela, l'Aqidah de l'imam Abu Hatim et Abu Zur'a, qui est connu comme Aqidah al-Raziyyin, qui a été expliqué par l'Allama Rabi al-Nihadi, l'Allama Zayd al-Madkhali, rahmatullah alayhi, wa hafidha al-Sheikh Rabi'an, et autres que eux. Dans cette Aqida, il rappelle l'imam Abu Hatim al-Razi cette parole, qui est comme un titre, une base, un fondement pour les gens de la Sunna, qui est important. Je vous enjoins même à l'apprendre, car c'est comme un titre, un en-tête pour les gens de la Sunna, où il dit Alamatu Ahl al-Bida' al-Waqi'atu fi Ahl al-Athar. Alamatu Ahl al-Bida' al-Waqi'atu fi Ahl al-Athar. Donc, dans le sens approximatif de ces paroles, un signe des gens de l'innovation est le fait qu'ils critiquent les gens du Asar. Les gens du Asar, c'est une parole qui est générale, qui désigne les gens de la Sunna et du groupe. Et l'ulama, lorsqu'ils expliquent cette parole et ils la rapportent, ils l'utilisent pour illustrer ce que nous étudions aujourd'hui, c'est-à-dire la place des savants et la manière qu'ont les gens de l'innovation de se comporter par rapport aux savants. Donc, cette parole ici, Ahlul Athar, ce qui est voulu par l'imam Abu Hatim, ce sont les savants. C'est-à-dire que parmi les signes des gens de l'innovation, le fait qu'ils critiquent les savants de la Sunna. Le terme waqi'a, on l'explique ou on le traduit par critique, mais c'est quelque chose qui englobe beaucoup de choses, toute forme de critique, plus ou moins grave. Et ça rejoint ce que nous avons dit précédemment, le fait que les gens de l'innovation, ils se sont tous accordés sur le fait de critiquer et de faire fuir les gens des savants de la Sunna, même si certaines sectes sont plus assidues et plus actives dans cela que d'autres. Donc le terme waqi'a ici, qu'on a traduit vraiment très approximativement par critique, est un terme qui désigne beaucoup toute forme de critique. Ceci est pour toi une manière que tu as de différencier les gens de la Sunna des gens de l'innovation, comme l'ensemble de ces caractéristiques que nous avons étudiées durant cette série. Et la parole de certaines personnes qui disent qu'on ne te reconnaît pas selon les gens avec qui tu es, selon les gens que tu critiques ou les gens à propos desquels tu fais l'éloge, cette parole est une parole erronée. Et elle va à l'encontre de certains ahadiths rapportés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme cela de certains athar qui sont rapportés des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de nos pieux prédécesseurs, comme nous l'avons vu précédemment, comme dans le cours d'il y a 2 semaines sur la science de la critique et de l'éloge, comme nous l'avons vu, comme dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans un sens approximatif de ces paroles, l'homme est sur la religion de son ami intime, qu'il regarde l'un d'entre vous qui il prend pour ami intime. Comme cela la parole d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, où il dit l'homme est sur la religion de son ami intime. Comme cela, beaucoup de récits rapportés de nos pieux prédécesseurs, comme nous l'avons évoqué précédemment, ces paroles où certains, comme l'imam Ahmed, ils disent celui qui parle, celui qui critique, Hammad ibn Salama, eh bien celui-là posez-vous des questions sur son islam. C'est-à-dire que est-ce que cette personne-là fait partie des gens de l'islam? Car c'est un grand imam, un des grands imams de la sunna, Hammad ibn Salama. Donc la personne qui parlera sur ce grand imam des gens de la sunna, qui a défendu la sunna, qui a fait des réfutations aux gens de l'innovation, eh bien, comment une personne, un musulman sunni, pourrait-il critiquer un imam comme cette personne, Hammad ibn Salama, et autres que lui, Hammad ibn Zayd, l'imam Ahmad, etc., etc., parmi les grands imams de la sunna, celui qui critiquera ces imams-là, eh bien, on doutera de sa voix, de son manhaj. Et comme cela, la personne qui fera l'éloge des gens de l'innovation, par inversement, les ulama, les savants, ont jugé que ceux qui font les éloges sur les gens de l'innovation, et bien cela, on les jugera selon les gens de qui ils font leurs éloges. C'est-à-dire qu'une personne qui fait l'éloge des grands innovateurs, comme par exemple, comme on l'a cité de notre époque, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, etc., etc., comme Ali al-Halabi et toute sa jama'a, comme cela Abu al-Hassan al-Ma'ribi, comme cela Falih al-Harbi, comme cela un tel et un tel et un tel, al-Qardawi, etc., etc. Toutes ces personnes qui citeront ces gens-là et qui feront leurs éloges, à partir de là, tu auras le droit et la légitimité de douter de la voix, du manhaj de cette personne. Et comme cela, une personne qui critiquera les savants de la sunna, connus et reconnus comme étant des savants de la sunna, que les savants de la sunna ont élogié depuis de nombreuses années, eh bien, celui-ci, tu pourras douter de sa voix et de ses intentions. Et ce n'est pas juste de dire que on ne juge pas une personne selon ses fréquentations et selon les gens qu'il critique et selon les gens qu'il élogie. Ici, il nous convient aussi de détailler la position exacte et authentique des gens de la sunna en ce qui concerne l'ulama. Nous avons vu ici qui sont les savants, puis nous avons vu qui sont les savants de qui nous prenons la science et qui sont les savants qui sont estimés comme les savants des gens de la sunna. Il nous convient ici de détailler la position des gens de la sunna en ce qui concerne les savants. Parmi ces choses qui font partie de leurs droits et de nos devoirs envers eux, le fait que, à partir du moment où tu as su qu'un tel et un tel fait partie des savants de la sunna, qu'il fait partie des savants, comme on l'a vu déjà, qui sont les savants, donc à partir du moment où tu as su que telle personne fait partie des savants, puis tu as su que cette personne fait partie des gens de la sunna, eh bien il te convient de leur poser des questions, de leur demander al-fatawa, les avis religieux, en particulier au moment où descendent sur la communauté, ce qu'on appelle al-nawazil, c'est-à-dire des affaires, des grandes affaires qui touchent une grande partie de la communauté ou l'ensemble de la communauté, ce qu'on appelle al-nawazil. Ce sont ces grandes affaires, des affaires importantes. Comme cela, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui a été évoqué dans 2 versets de son livre, tabaraka wa ta'ala, dans surat al-Nahl, les abeilles, et dans surat al-Anbiya, si je ne me trompe pas, فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. أَهْلَ ذِكْرِ, les gens de science, les gens du rappel. Ici, un point très important en ce qui concerne le fait de demander l'avis religieux et de revenir aux gens de science. Cette chose qui est un ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, dans deux versets, donc c'est-à-dire qu'il l'a répété à deux reprises dans son livre, subhanahu wa ta'ala. Le fait de demander aux gens du rappel si vous ne savez pas. Une règle très importante, et cette règle-là, elle va nous emmener sur un autre sujet, qui est un sujet d'importance capitale, en particulier pour les jeunes d'aujourd'hui, qui est le fait de connaître les degrés des savants. Une règle qui est très importante, le fait que ce n'est pas n'importe quel savant qui est questionné sur n'importe quelle affaire. Les affaires qui sont al-nawazil, al-amma, c'est-à-dire les grandes affaires, les affaires importantes, les grandes affaires qui touchent l'ensemble de la communauté, la question qui est en rapport avec ces nawazil ne sera pas posée à n'importe quelle personne parmi les savants. Plutôt, on reviendra vers les grands savants, ce qu'on appelle kibar al-ulama, ceux qu'on appelle al-mujtahidun, ceux qui ont atteint le rang de ijtihad, l'effort de compréhension, l'effort d'interprétation. Cette règle-là, nous la tirons de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens approximatif de ces paroles dans Sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, le verset numéro 83, où il dit, entre parenthèses, ce verset, nous avons déjà fait par le passé, et encore une autre parenthèse dans cette parenthèse, le cours d'aujourd'hui, nous l'avons détaillé au fil des années depuis plus de 7 ans maintenant, tous les étés, quand je venais en France pendant l'été avec des appels téléphoniques, nous l'avons détaillé et illustré et appliqué par des appels téléphoniques que nous avons fait depuis plus de 7 ans maintenant avec les gens de science de beaucoup de pays, dans plusieurs mosquées de l'île de France depuis donc toutes ces années. Et l'explication, l'exégèse de ce verset en particulier, nous l'avons déjà faite, nous l'avons détaillé dans plusieurs introductions de ces appels que nous avons faits, et un de nos savants qui est notre cheikh Adil Sayyid al-Misri Hafidahullah Ta'ala nous l'a expliqué et nous a fait son exégèse il y a quelques années. Si vous voulez revenir vers ce cours qui est un cours très intéressant et très important, vous le trouverez sur le site, les frères l'ont mis sur le site Ahl al-Dhikr. Et donc le reste de la parenthèse, donc là on ferme la parenthèse qui est à l'intérieur de la parenthèse et on revient sur la première parenthèse qui est que ce verset là il est très important. Et beaucoup de nos frères, malheureusement, ne lui prêtent pas l'attention qui lui est due. Dans beaucoup d'affaires, comme par exemple certaines affaires que nous vivons aujourd'hui, l'actualité d'aujourd'hui, que ce soit l'actualité qui est en relation avec des choses de la vie mondaine, de la vie d'ici-bas, de cette vie mondaine, ou de notre vie religieuse. Donc comprenez bien ce verset, si vous voulez plus d'explications, revenez au cours de notre shir, Adil Sayyid, Hafidahullah Ta'ala. Il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, « Quand leur parvient une nouvelle, rassurante ou alarmante, ils la diffusent. S'ils la rapportaient aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. » Je répète ce verset, le verset 43 de Sourate An-Nisa, la Sourate numéro 4. quand leur parvient une nouvelle rassurante ou alarmante. Allah Azza wa Jalla dit dans le verset, min al-amni aw al-khawf. Al-amn, une nouvelle rassurante, aw al-khawf, une nouvelle alarmante. Il la diffuse, il la propage. S'il l'a rapporté aux messagers et aux détenteurs du commandement parmi eux. Et aux détenteurs du commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui cherchent à être éclairés auraient appris la vérité de la bouche du prophète et des détenteurs du commandement. Les détenteurs du commandement ici, ce sont les commandants, les gouverneurs et les savants. Les gouverneurs et les savants, comme l'ont expliqué les gens de science, les savants de l'exégèse du Coran, qui ont expliqué que Ulul Amr, dans le Coran, ce sont les savants et les gouverneurs. Et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, vous auriez suivi le diable à part quelques-uns. On aura l'occasion de revenir sur ce verset en expliquant ce dernier et en se penchant un peu plus sur lui. On se contentera ici d'expliquer cette règle qui est une règle importante dans notre manhaj. Le fait que, d'après ce verset, tu ne reviendras pas vers n'importe qui lorsque il te viendra une nouvelle alarmante ou rassurante. C'est ce qu'on appelle ici un nawazil, c'est-à-dire les affaires qui sont des affaires importantes qui descendent sur la communauté. Tu ne reviendras pas vers n'importe qui parmi les étudiants en sciences ou parmi les ulama, mais tu reviendras vers kibar al-ulama, ceux qui ont atteint ce rang de dijtihad, c'est-à-dire d'efforts d'interprétation. Et ceci nous amène, comme je vous l'ai dit, à parler d'un point très important, un sujet très important, la différence qu'il y a entre les savants eux-mêmes. Et ça va nous amener aussi vers un autre sujet qui est la différence, qui est quelque chose qui est compris dans ce sujet, qui est la différence entre les étudiants en sciences. Les savants ne sont pas tous sur le même niveau, ils ne sont pas tous au même niveau, pardon. Vous avez les grands savants, kibar al-ulama, vous avez les savants, ceux qui sont jugés par autre que, comme nous l'avons vu au début du cours, comme étant des savants, vous avez ceux qui sont en dessous de eux, qui font partie de talabat al-ilm al-kibar, qui rentrent aussi dans le terme de ahl al-dhikr, les gens du rappel, vers qui tu peux te tourner pour poser des questions, etc. Il te répondra en fonction de ce que Allah Azza wa Jalla lui aura permis de connaître de sa religion. Et il y a ceux qui sont en dessous de cela parmi talabat al-ilm, les étudiants en sciences. Il y a talabat al-ilm al-sirar, les petits étudiants en sciences qui, eux, leur jugement à eux est le même jugement que les gens de la masse. Faites bien attention à cela, c'est très important. Les ulama, ils disent des étudiants en sciences, les petits étudiants en sciences, comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs cours auparavant, les étudiants en sciences, pareil, ils ont certains niveaux, des niveaux différents, et il y a plusieurs manières de juger que tel ou un tel fait partie des étudiants en sciences, et de juger aussi du niveau de telle et telle personne. Les petits étudiants, ce qu'on appelle petits étudiants en sciences, cela, leur jugement est le même jugement que les gens de la masse des musulmans. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils reviennent vers les savants, ils leur posent des questions, vers les gens du rappel, et ils ne doivent pas se permettre de donner des avis religieuses, etc. Des avis religieux, pardon, etc. Donc, le fait que tu connaisses les degrés des savants, le fait que tu fasses la distinction entre kibar al-ulama, entre al-ulama, entre talabat al-ilm al-kibar, entre talabat al-ilm al-sirar, est d'une importance capitale pour toi. Car comment veux-tu revenir dans al-nawazil vers les grands savants si tu ne sais pas qui sont les grands savants? Comme cela, comment veux-tu revenir vers les savants, vers les gens du rappel, si tu ne sais pas non plus qui sont les gens du rappel? Ce que nous avons appris ici aujourd'hui, donc cette règle, comment faire la différence entre un savant qui ne fait pas partie des savants. Comment faire la différence entre le savant et celui qui n'en fait pas partie. Cette chose-là est une importance capitale pour toi, car si tu veux obéir à Allah tabaraka wa ta'ala dans ce cet ordre qu'il te donne, fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Il te sera impératif de savoir qui sont les savants, de ceux qui n'en font pas partie, afin de savoir vers qui tu reviendras pour poser tes questions religieuses. Comme cela, il te conviendra de savoir qui sont kibar al ulama, afin de poser certaines questions qui ne sont posées que à ces derniers, sauf en cas où ces derniers auront délégué la tâche à quelqu'un qui sera peut-être moindre que eux, mais qui connaîtra mieux la situation de tel et tel pays ou de telle et telle affaire. Et à ce moment-là, c'est comme si tu étais revenu vers les grands savants, puisque c'est eux qui auront délégué telle personne qui sera en dessous de eux. Une chose qui est très importante et une chose qui peut être une ambiguïté pour certaines personnes, il y a dans certains pays, je pense dans la plupart des pays musulmans, des assemblées de grands savants. Une assemblée qu'on appelle l'assemblée des grands savants. Ce titre-là, l'assemblée des grands savants, est un titre honorifique, comme on dit. Cela ne veut pas nécessairement dire que telle personne qui est dans cette assemblée fait partie réellement des savants qui ont atteint ce rang de l'ijtihad, c'est-à-dire ce rang de l'effort d'interprétation, comme nous l'avons expliqué précédemment. Comme cela, le fait qu'une personne fait partie de cette assemblée-là ne veut pas dire nécessairement que cette personne fait partie des bons savants, Rabbaniyoun, comme nous l'avons expliqué précédemment, vers qui tu te tourneras, qui font partie des gens, des savants de la Sunna, vers qui tu te tourneras pour apprendre ta religion. C'est-à-dire que ce titre honorifique n'est pas en soi-même une recommandation sans condition. C'est-à-dire que, certes, pour que cette personne soit rentrée dans cette assemblée-là, il faut qu'elle ait atteint un certain niveau de science, mais ce ne sera pas une recommandation sans condition. C'est-à-dire que ça ne jugera pas de la viabilité du manhaj de la voie de telle personne, ça ne jugera pas non plus de la science sans condition de cette personne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de grands savants, des personnes qu'on appelle kibar al-ulama, qui ne font pas nécessairement partie de l'assemblée des grands savants du pays où ils se trouvent. C'est-à-dire que vous avez l'assemblée des grands savants dans un pays, et il y a certaines personnes qui ont atteint ce niveau d'effort d'interprétation du ijtihad, qui font partie des grands savants, qui ne font pas partie de cette assemblée-là. Donc ça ne doit pas être pour toi un facteur qui te servira de juger de telle ou telle personne, c'est-à-dire que telle personne, tu me dis que c'est un grand savant, mais il ne fait pas partie de l'assemblée des grands savants dans son pays. Non, ceci ne doit pas être un facteur sans condition pour juger tel et tel savant. Mais plutôt, le facteur et la règle que nous a donné l'imam Shatibi, comme nous l'avons expliqué au début du cours. Comme cela, un dernier commentaire par rapport à... Donc là, nous sommes toujours dans la position authentique des gens de la Sunna en ce qui concerne les savants et leur place qu'ils leur donnent et les droits et les devoirs envers les savants. Un dernier commentaire par rapport à cela, le fait de revenir vers les savants, de leur demander le fatwa, comme cela nous avons... nous sommes partis sur un autre sujet, le sujet de savoir les rangs des savants et leur degré. Comme cela, une ambiguïté que certaines personnes lancent comme cela, et ce depuis de longues années. Le fait de dire alayna bil kibar, c'est-à-dire ils nous enjoignent à revenir vers el kibar, les grands savants. Si tu lui rapportes la parole de un tel ou un tel parmi el ulama, une parole qui sera argumentée par des preuves du Coran et de la Sunna, d'après la compréhension de nos pieux prédécesseurs, il te dira, mais cette personne-là ne fait pas partie de kibar al-ulama, alayna bil kibar, ne fait pas partie des grands savants, il nous convient de revenir vers les grands savants, il nous est obligatoire de revenir vers les grands savants. Une partie de cette ambiguïté, tu as compris, lorsque nous avons expliqué que c'est en effet une ambiguïté, de par le fait que il y a certaines questions, certes, où tu devras revenir vers les grands savants, les gens qui ont atteint ce rang d'efforts d'interprétation de shihad, mais il y a certaines questions où tu ne seras pas nécessairement amené à revenir vers eux. C'est-à-dire que la parole d'Allah Azza wa Jal, fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun, demandez aux gens du rappel si vous ne le savez pas. Ahl al-dhikr, les gens du rappel, est une parole générale qui englobe certes les grands savants, certes les savants, ceux qui sont en dessous de eux, aussi les grands étudiants en sciences qui ne sont pas forcément connus comme étant des savants auprès des savants, mais qui sont connus comme étant des grands étudiants en sciences qui ont un niveau dans la science et qui sont aptes à donner des réponses juridiques. Cette parole-là, elle englobe toutes ces personnes-là, donc pas uniquement les grands savants. Donc cette parole-là est une ambiguïté, tu comprendras cette ambiguïté par cela, aussi par ce qui est voulu par Alayna bil Kibar. Parfois, et bien souvent, ceux qui te disent cette parole-là, revenez vers les grands savants, ils veulent par cela les gens que eux, ils ont mis en tant que grands savants. Ils ont voulu simplement restreindre le cercle des grands savants à ceux que eux ils estiment comme étant les grands savants. C'est une parole que nous entendions depuis très longtemps lorsqu'ils ces gens-là, les gens de l'innovation, lorsqu'ils disaient cette parole-là, lorsque nous leur apportions des paroles de l'allama Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, ils nous disaient alayka bil kibar. Yani, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc, Cheikh Rabi ne veut pas partir des kibars. C'est exactement ça qu'il voulait dire. Et cette ambiguïté-là, ils l'ont prise de l'ambiguïté que nous avons détaillée juste avant. Le fait que Cheikh Rabi, Ibn Hadi al-Madkhali, comme autre que lui, parmi Kibar et l'Ulama, il ne fait pas partie de l'Assemblée des grands savants. Dans Al-Mamlak al-Arabiya al-Saoudiya, Belad al-Tawhid wa Sunna, Harassah Allah, il ne veut pas partie de l'Assemblée des grands savants. Donc, à partir de là, ils te disent. Cheikh Rabi ne fait pas partie des grands savants, car il ne fait pas partie de l'assemblée des grands savants. Kaddaboun, ce sont des menteurs, car Cheikh Rabi, comme autre que lui, les grands savants ont attesté de lui qu'il faisait partie des grands savants de cette communauté vers qui on revient lors de An-Nawazil, les affaires, comme nous l'avons rapporté, les grandes affaires qui touchent l'ensemble de la communauté. Cheikh Rabi, comme autre que lui, bien sûr. Je l'ai pris comme exemple, car c'est une chose que nous entendons depuis de longues années, alayka bil kibar. Donc ceux que vous avez jugés comme étant el-kibar. Et lorsque la parole de ces kibar, qui sont même pour eux estimés comme étant des kibar, va à l'encontre de ceux qu'ils croient et de leur manhaj, de leur méthodologie, eh bien, ils ne prennent pas leur parole et ils te ramènent la parole d'un autre, parmi les savants que eux-mêmes ont mis à la place de Kibar, etc. Donc vous avez compris cette ambiguïté. C'est une ambiguïté qui est très connue, malheureusement. Donc prenez-y garde. Allez, Kabil Kibar. Est-ce que cette personne fait partie des Kibar? Ce n'est pas une obligation pour toi d'apprendre ta religion auprès des Kibar. C'est-à-dire, est-ce que c'est une obligation pour toi, une personne qui souhaite apprendre la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, d'aller s'asseoir auprès de Kibar et l'ulama? Est-ce que c'est une obligation pour toi, lorsque tu as une question à poser à propos de ta religion, de revenir vers Kibar et l'ulama? Comme on l'a vu, il y a certaines questions, oui, tu devras revenir vers le Kibar, mais ces questions-là, al-nawazil, c'est une infime partie des questions que le musulman peut se poser tout au long de sa vie. Si on restreint le nombre de personnes à qui tu auras... que tu seras autorisé de revenir, vers qui tu seras autorisé de revenir pour poser des questions dans ta religion, demander le fatwa, etc., etc., à Kibar al-Ulama, il y a beaucoup de gens dans cette communauté qui tomberont dans al-Haraj, dans la gêne. Et ceci n'est pas la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Un deuxième droit qu'ont les savants sur nous, un de nos devoirs envers eux, le fait que tu dois leur obéir et les suivre, bien sûr, dans ce qui est légiféré et dans le bien et non dans la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, car Allah azza wa jal dit, comme dans ce verset, que le verset numéro 59 de Surat An-Nisa, la Surat numéro 4, les femmes, le verset numéro 59 où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et comme nous l'avons dit, ceux qui détiennent le commandement ici, Ulil Amr, ce sont les gouverneurs ainsi que les savants, comme l'ont expliqué les savants de l'exégèse du Coran. Une troisième chose, un des troisièmes droits qu'ont les savants sur nous, un de nos devoirs envers eux, est le fait que tu ne dois pas les critiquer, les chercher après leurs erreurs et courir après leurs erreurs. Plutôt, et tu ne dois pas les amoindrir et rabaisser leur rang et chercher par cela à les rabaisser et à les dévaloriser aux yeux des gens. Et ici, nous avons certaines règles qui viennent conditionner cela, des règles très importantes, on ne va pas toutes les évoquer ici, mais pour résumer, il faut savoir que les savants de la sunna, on parle des savants de la sunna qui sont connus comme tels, comme étant des gens de science et qui font partie des savants de la sunna, ce ne sont pas des personnes qui sont infaillibles. Celui qui est infaillible, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam al-Ma'soum. Les savants, quels qu'ils soient, ne sont pas infaillibles. C'est-à-dire que ces derniers sont des hommes qui peuvent tomber dans l'erreur lorsqu'ils expliquent la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ces erreurs-là, parfois, seront excusables et parfois ils le seront moins. Mais en général, les erreurs dans lesquelles tombent les savants de la sunna, connus comme tels, connus comme des savants qui recherchent la vérité, connus pour leur science et leur bonne méthodologie, ce seront des erreurs auxquelles on trouvera des excuses. Et comme cela, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a écrit un livre qui est très important au sujet des erreurs des savants, et il a rapporté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excuses données aux imams de notre communauté en ce qui concerne les erreurs dans lesquelles ils auraient pu tomber. Et cet ouvrage qui s'appelle « Raf' al-Malam anil a'immatil a'lam »« Raf' al-Malam anil a'immatil a'lam » qui est un petit épître, qui n'est pas très long et qui est très bénéfique dans cela, qui nous permet, lorsque nous lisons et nous comprenons ce livre-là, d'excuser nos savants et de comprendre la divergence qu'il y a entre les savants, de comprendre pourquoi cette divergence, que bien souvent, par exemple, le hadith, qui est un hadith clair, que toi tu penses être quelque chose qui est une chose acquise, n'est pas arrivé aux oreilles de tel et tel imam, qui lui est arrivé aux oreilles, mais qui l'a jugé non authentique, parce que la chaîne de transmission par laquelle il lui a été rapporté était une chaîne de transmission faible, etc., etc., parmi toutes ces excuses que les savants ont rapportées, parmi celles-là, celles que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a rapportées dans cette épître. Donc, ces excuses-là que nous trouvons à nos savants, un point qui est très très important, qui va nous ramener vers une règle des gens de l'innovation, que nous avons déjà évoquée il y a deux cours de cela. Le fait que tu excuses les savants, les imams, d'être tombés dans telle et telle erreur, puisque tu penses le bien, tu as une bonne pensée sur eux, qu'ils sont tombés dans cette erreur, même si ils sont tombés dans cette erreur pour telle et telle raison, tu leur trouves des excuses et tu leur trouves des excuses et tu les respectes malgré l'erreur dans laquelle ils sont tombés. Ici, encore une fois, je répète, on parle des gens de la sunna, qui sont connus comme étant des gens de la sunna, qui ont une foi qui est authentique et un manhaj qui est viable et authentique, et qui sont connus comme étant des gens de science. Car une personne ici qui aurait de la science mais qui n'aurait pas un manhaj authentique, cette personne-là, c'est une autre histoire. Il y a d'autres règles qui s'appliquent à lui. Comme cela, une personne qui a un manhaj authentique mais qui n'a pas de science, et qui a voulu faire un effort d'interprétation sur telle et telle affaire et qui se sera trompé, ça c'est une autre affaire aussi. Parce que cette personne-là n'a pas de science, n'a pas les outils pour faire cet effort d'interprétation. Ici on parle vraiment des gens de science reconnus pour leur science et reconnus pour la viabilité de leur manhaj. Le fait que tu leur cherches des excuses et que tu leur trouves des excuses et que tu respectes ces savants-là et ces imams-là, cette chose-là ne va pas en contradiction, n'est pas en contradiction avec le fait que tu réfutes cette erreur. Et le fait de réfuter cette erreur, bien sûr, ça n'appartient pas à des gens comme nous de réfuter ces erreurs-là. Bien sûr, on parle des savants, les savants qui réfutent les erreurs d'autres savants. Lorsque ils réfutent les erreurs dans lesquelles sont tombés certains savants, certains imams, cela ne contradit en rien le respect qu'ils ont pour ces imams-là. Il faut bien mettre cela devant nous. Une chose, une ambiguïté qui a été rapportée par plusieurs personnes de nos jours, comme précédemment, le fait qu'ils disent que si tu réfutes telle et telle personne, encore une fois, quand je dis si tu réfutes, mais je parle des savants, lorsque les savants réfutent telle et telle autre parmi les savants, eh bien, ce sera un mauvais comportement que tu auras envers cette personne-là. Nous, à notre niveau, bien sûr, nous prenons la parole d'un des savants qui aurait réfuté un autre parmi les savants et nous disons, voilà, telle personne a eu raison pour telle et telle preuve. Les preuves sont là, des preuves claires du Coran, de la Sunna, d'après la compréhension de nos pieux prédécesseurs. Et ceci est clair que cette réfutation est la vérité par rapport à telle et telle preuve. Cette chose-là ne contradit en rien le fait que tu respectes ce savant-là, que tu l'estimes, que tu as un total respect pour lui et que tu l'estimes comme étant parmi les imams de la sunna. Plutôt même, comprenez bien cette chose-là, le fait que tu acceptes que cette personne-là, cet imam de la sunna, soit tombé dans une erreur, cette chose-là est une manière pour toi de grandir et de respecter, de donner le respect qui se doit à cet imam. Et de remplir tes devoirs envers cet imam. Le fait que tu remplis tes devoirs par le conseil et par le fait que tu ne te fanatises pas par rapport à cette personne. Tu n'es pas fanatique de cette personne-là. Et ceci fait partie des devoirs, comme nous allons le rappeler ici. Parmi les devoirs que tu as envers les savants de la sunna, le fait de ne pas être fanatique envers eux, c'est-à-dire de leur propre personne. Un tel... il a raison parce que c'est un tel, pas parce qu'il a rapporté la parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole des savants qui l'ont précédé. Non, c'est pas pour cela que tu respectes sa parole, que tu prends sa parole, que tu suis sa parole. Tu suis sa parole parce que c'est un tel, parce que c'est son nom, parce que c'est telle personne. Même s'il fait partie des plus grands imams de la sunna, cette personne peut se tromper. Nous prenons ici les quatre imams des grandes écoles, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad. Tous sont tombés dans des erreurs et tous se sont repris les uns les autres et des imams qui sont venus après eux les ont repris aussi sur des erreurs dans lesquelles ils sont tombés. Donc pourquoi es-tu choqué et pourquoi es-tu en colère lorsqu'on te dit qu'un tel et un tel parmi les imams contemporains, parmi les grands savants contemporains sont tombés dans l'erreur, se sont trompés sur telle erreur? Tu es plus en colère lorsqu'on te dit sur telle personne, parmi les imams contemporains qui, sans aucun doute, et ce n'est pas un rabaissement de cette personne, n'a pas atteint le degré de science de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullahu ta'ala, mais tu acceptes de dire que l'imam Ahmed s'est trompé dans telle et telle affaire. C'est donc qu'il y a un problème dans ton manhaj, il y a un problème dans ta méthodologie, ta manière de comprendre la méthodologie de nos pieux prédécesseurs. Ils n'étaient pas comme cela. Plutôt, nous voyons que as-sahaba, radhiyallahu alayhim, ils prenaient la science de ceux qui étaient en dessous de eux, et lorsque, c'est-à-dire qu'ils étaient en dessous de eux, et lorsque ces derniers les rappelaient sur telle et telle affaire, eh bien, ils les écoutaient et ils revenaient sur des paroles qu'ils avaient eues, et qui, lorsqu'il leur a été mis en avant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si la personne qui leur apporte la sunna est une personne qui est en dessous de eux. Par exemple, Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, qui est le plus savant de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est la meilleure personne de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette personne, radiyallahu anhu, prenait la science parfois de sa fille Aïcha, radiyallahu anha, lorsqu'elle lui rapportait des sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme cela, et cela vous le trouverez dans ce livre de l'imam Ibn Taymiyyah, Raf al-Malam, Anil A'immat al-A'lam, où il rapporte tout cela, comme cela, Omar ibn Khattab, qui faisait partie de, qui était la deuxième personne la plus savante de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, comme cela, la deuxième meilleure personne de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, qui lui aussi prenait parfois des sunnans de son fils, Abdullah ibn Omar, qui prenait parfois des sunnans d'autres que lui, comme Adab al-Isti'dhan, qu'il a pris de Abu Musa al-Ash'ari, et autres que eux, qui étaient sans aucun doute parmi des grands compagnons, mais qui étaient en dessous de lui. Et ceci est notre croyance, la croyance que la meilleure des personnes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman. Radiallahu anhum ajma'in. Donc, pourquoi es-tu en colère lorsqu'on te dit qu'un tel s'est trompé sur telle affaire, d'après les preuves qui sont claires, qui sont telle et telle et telle preuve? Et ceci est une parole, bien sûr, générale, habdakumullah, afin que vous compreniez votre manhaj. Comme cela, comme nous l'avons dit, donc parmi les droits qu'ont les savants sur nous et nos devoirs envers eux, le fait de ne pas parler sur leur honneur, de ne pas les rabaisser, de ne pas les critiquer. Comme cela, nous avons la parole de ce grand savant qui est Ibn As-Sakir, qui rapporte cette parole où il dit « Certes, la viande des savants est empoisonnée. » Pourquoi cette expression? Ceux qui ne la comprennent pas, d'après la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous l'avons rappelé précédemment, donc cette image qui a été donnée par, ou cette hyperbole qui a été donnée par Allah Azza wa Jal, ou cette image qui a été donnée par Allah Azza wa Jal dans son livre, où il dit: excusez-moi, dans ce verset de Surat Al-Hujurat, c'est-à-dire les appartements, dans le verset numéro 12, où il dit: et ne médisez pas les uns des autres, l'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ici a parlé de la médisance et a donné cette image en ce qui concerne la médisance, le fait que c'est comme le fait de manger la chair de son frère mort. Et pour cela, cet imam Ibn As-Sakir a dit: certes, la viande des savants est empoisonnée. C'est-à-dire au moment où tu feras cette médisance qui revient à manger la chair de ton frère mort, eh bien sache que cette viande-là que tu mangeras, si tu la manges en faisant de la médisance sur les savants, cette viande-là est empoisonnée. Et nous allons terminer le cours d'aujourd'hui en parlant de ces gens de l'innovation qui, eux, ont été connus comme étant des gens qui ont critiqué et rabaissé les savants dans leurs paroles. Comme nous l'avons dit, c'est une chose qui est connue de l'ensemble des gens de l'innovation, et certaines sectes plus que d'autres, et certaines personnes, certains individus de ces sectes plus que d'autres. Nous allons nous restreindre à deux personnes et nous allons nous arrêter sur cela. La première est ce grand innovateur à propos duquel nous avons déjà parlé plusieurs fois, qui est Abu al-Hasan al-Ma'ribi, Mustafa ibn Ismail al-Sulaymani al-Misri. Abu al-Hasan al-Ma'ribi, qui a été une grande fitna pour les gens de la Sunna ces dernières décennies. Nous avons apporté plusieurs de ces règles qui ont été reprises après lui par Ali al-Halabi et son groupe, qui ont adopté ces règles-là que nous avons expliquées il y a deux cours de cela, lorsque nous avons expliqué certaines règles qui sont en rapport avec la science de la critique et de l'éloge, al-jarh wa ta'dil. Cette personne-là, Abu al-Hasan al-Misri al-Ma'ribi, est quelqu'un qui a été connu pour sa grande critique des savants de la Sunna, et en particulier al-Shir Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, habidahullahu ta'ala, qui l'a réfuté dans plusieurs réfutations qui étaient qui sont, que vous trouverez, qui sont édités, qui se trouvent aussi sur son site. Je vous conseille, pour ceux qui comprennent la langue arabe, de revenir vers ces réfutations, car ce sont des réfutations qui montrent la place de ce grand savant et sa manière qu'il a de réfuter, et sa manière que nous avons connue de lui lorsqu'il souhaite réfuter les gens de l'innovation. Cette chose que nous avons connue de lui, حفظه ta'ala wa saddada wa waffaqa, que nous avons connue de lui lors de plusieurs fitan qui ont touché, plusieurs troubles qui ont touché les gens de la sunna ces dernières décennies, sa méthodologie et sa manière qu'il avait de réfuter les gens de l'innovation par des réfutations de Roudoud qui étaient très puissants. Il a écrit des livres, des articles très puissants en réfutation à ces personnes-là. Et c'est cette manière-là que nous connaissons de Ashir, Hafidahullah Ta'ala, qu'il a de réfuter les gens de l'innovation et les gens qui apportent un mal à cette da'wa, da'wa salafiyya. Ici, cette personne, Abul Hassan al-Ma'ribi, qui lui a mis tous ses efforts, tout en œuvre, pour critiquer les gens de la sunna, et qui a même inventé des règles innovées pour défendre les gens de l'innovation et les soi-disant savants de l'innovation. Et à côté de cela, c'est-à-dire des règles dans Al-Jarh wa Tadil, la critique et l'éloge, il en a inventé des règles qui sont très dangereuses, que nous avons déjà évoquées. Et à côté de cela, il ne craignez pas Allah Azza wa Jal concernant l'honneur des savants de la sunna. Plutôt, il a parlé sur eux, il les a calomniés, il les a médits, il a enregistré des audios, il a écrit des épîtres sur ces derniers. Parmi ces règles aussi qu'il a inventées pour préserver l'honneur, qui n'est pas préservé bien sûr, des gens de l'innovation, des têtes des gens de l'innovation, cette règle que nous avons déjà expliquée qui est nous rectifions les erreurs, mais nous ne faisons pas tomber les hommes. Nous ne critiquons pas les hommes. Nous sahihou, voilà nous jabrihou. Comme cela, cette règle que nous avons déjà évoquée lorsqu'il parlait de al-manhaj al-wasi' al-afiyah, c'est-à-dire ce manhaj, cette voie qui englobe toute personne, qui est un manhaj qui est large, qui accepte les gens de la sunna, qui accepte les ikhwan, qui accepte les tablir, qui accepte. Et subhanallah, nous remarquons que cette personne-là, comme ceux qui l'ont suivi dans cela, comme Ali al-Halabi et tous ses suiveurs, eh bien, ils acceptent toutes les personnes sauf les gens de la sunna. Les gens de la sunna, ils ne les acceptent pas, ils les critiquent et ils les sortent de ce manhaj al-wasi' al-afiyah, walhamdulillah, nous ne voulons pas rentrer dans son manhaj à lui, bien au contraire. Ensuite, juste après cette fitna d'Abul Hassan al-Ma'ribi, il y a une deuxième personne, et on va terminer sur celui-ci, qui est Falih al-Harbi. Falih al-Harbi, qui faisait partie des savants de Médine, qui est la tête de ce qu'on appelle al-Haddadiyya al-Jadida. Al-Haddadiyya, qui est un groupe, comme cela que Sheikh Al-Allama Rabi Ibn Hadi a expliqué les bases et les fondements de ce groupe, donc vous le trouverez, on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans un cours entier sur ces derniers, Al-Haddadiyya, qui eux, parmi les plus grandes de leurs caractéristiques et les caractéristiques principales de ce groupe-là, le fait qu'ils critiquent les savants et que bien souvent ils les font sortir de la sunna, c'est-à-dire qu'ils les jugent comme étant des innovateurs. Cette personne-là, Falih al-Harbi, qui est connue pour ses grandes critiques et ses paroles dures sur les gens de la sunna. Et ceux qui l'ont suivi, dans cela, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous remarquons cette manière qu'ils ont de parler sur les gens de la sunna en utilisant des paroles qui sont dures et en s'acharnant contre eux d'une manière qui n'est pas connue chez les gens de la sunna. Plutôt, les gens de la sunna sont des gens qui sont justes. Lorsqu'ils voient une erreur sur quelqu'un, ils ne s'acharnent pas contre lui en utilisant tous les moyens possibles et inimaginables pour faire tomber cette personne, pour faire tomber la tête de cette personne, chose qui est connue chez les gens de l'innovation, en particulier chez cette personne Falih al-Harbi, qui avait des paroles très très lourdes et très dangereuse qui pouvait être apparentée à du tekfir, c'est-à-dire le fait que ces gens qu'ils estimaient comme étant des gens de l'innovation, cette parole qu'ils donnaient par rapport à ces gens-là qui étaient des savants, on parle des savants de la sunna, était apparentée parfois à du tekfir, le fait qu'ils jugeaient que ces gens-là n'étaient pas musulmans. Même s'ils ne jugeaient pas non musulmans, mais ces paroles étaient apparentées à cela. Donc cette personne, Salih al-Harbi, qui fait partie du groupe de Al-Haddadiyya, qui est un groupe qui se démarque par leur non-respect et leur critique et leur calomnie et leur médisance des savants de la sunna. C'est une de leurs principales caractéristiques. Donc à partir du moment où tu verras une personne comme cela, tu l'apparenteras à ces groupes-là. Une personne qui ne respecte pas les gens de la sunna, les savants de la sunna, qui les critique, qui ne respecte pas leur honneur, eh bien ces personnes-là s'apparenteront à telle ou telle secte parmi ces sectes de... des gens de l'innovation qui se sont tous accordés sur le fait de ne pas respecter les savants de la sunna. Aujourd'hui, tu as compris comment faire la différence entre les savants et ceux qui n'en font pas partie, comme cela entre les savants de la sunna et ceux qui n'en font pas partie. Juste pour terminer, une parole, quelque chose qui est important à savoir par rapport à Jamaat al-Tablir. Vous trouverez vraiment, vraiment, je vous enjoins à celui qui peut lire ce livre, Al-Qawl al-Balir, vous l'avez dans la mosquée ici, il est là, dans la mosquée, qui a été écrit par ce grand savant, Hamoud Twijeli, rahmallahu ta'ala, où il explique vraiment tout ce qui concerne cette secte-là, et parmi ces choses-là, pourquoi je vous en parle aujourd'hui, une chose qu'il faut comprendre, c'est que cette secte-là, Jamaat al-Tablir, même s'ils se prétendent être des gens qui appellent au bon comportement, à le fait de se pardonner les uns les autres, que les musulmans doivent vivre tous ensemble, de ne pas parler d'un tel innovateur, un tel sunna, etc. Comme vous l'avez bien souvent entendu, ce sont des gens qui font partie des plus grands ennemis de cette da'wa au tawhid, à l'appel à l'unité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et qui font partie des personnes les plus dures envers les savants de la sunna. Et ils ont des paroles qui sont très très dures concernant les savants de la sunna parmi les prédécesseurs comme les contemporains. Et vous trouverez certaines de ces paroles dans ce livre, Al-Qawl al-Balir. Inch'Allah, on aura l'occasion aussi d'en parler. C'est vraiment, comme on l'a dit, des cours qui sont généraux pour vous expliquer ces principales caractéristiques concernant les caractéristiques principales des gens de la sunna et du groupe Ahl Sunna wal Jama'a. Une dernière chose, rapidement, qui rentre aussi dans cela, ce sont les degrés. On a expliqué les degrés concernant les gens de science, aussi les degrés parmi concernant les étudiants en science. Une chose très importante, comme j'ai l'habitude de le rappeler, le fait d'être minutieux lorsque tu parles de quelqu'un, que tu élèves quelqu'un ou que tu rabaisses quelqu'un. Les étudiants en science, ce qui est plus à notre portée, par exemple ici en France, puisque ici nous n'avons pas de savants, comme vous le savez. Ça m'amène à parler sur une chose aussi qui s'appelle, je crois, l'Assemblée des savants d'Europe européen ou le comité de la fatwa européenne, qui réunit un nombre de personnes, j'ai oublié de parler de ça, excusez-moi, qui n'ont rien à voir avec des savants, bien sûr, comme vous l'avez compris, et qui réunissent toutes les personnes, les pires ennemis de cette da'wa tawhid wa sunna. Ils les réunissent et ils forment le comité de la fatwa européenne à leur tête, je crois, encore aujourd'hui, Youssouf El-Qaradawi, qui fait partie des plus grands ennemis de la sunna, comme vous le savez. Eh bien, prenez garde et mettez en garde vos familles contre ces gens-là, le comité de la fatwa européenne. Parfois, certains ils peuvent avoir, comme on dit, de la poudre aux yeux, voir un comité de la fatwa européenne, c'est eux qui comprennent mieux ce dans quoi nous vivons ici en Europe, etc., etc. On va revenir vers eux. Bien sûr, je ne parle pas de vous, je parle plus pour vos familles, les gens qui sont autour de nous, qui ne connaissent pas en détail cette da'wa et ce manhaj. Eh bien, mettez-les en garde contre cela, le comité de la fatwa européenne. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ça existe, un comité de la fatwa européenne qui reçoit des fatwas bien souvent par Internet, comme ça, comme des sites comme Fatawa Online, ce genre de choses. Donc vous savez que ces choses-là, ce sont des choses qu'il faut délaisser, ce sont des personnes, des gens de l'innovation. Les étudiants en sciences, Havidakumullah, la manière que tu as d'élever ou de rabaisser quelqu'un, il faut bien savoir que l'étudiant en sciences, c'est comme cela, il a plusieurs degrés. Une personne qui s'appelle étudiant en sciences, il faut bien comprendre quel degré cette personne a atteint. Tu ne pourras pas bien sûr comprendre exactement, savoir exactement, ce n'est pas quelque chose qui se jauge avec un thermomètre par exemple, savoir que telle personne a atteint tel degré dans la science, etc. Mais c'est quelque chose que tu pourras savoir par certains repères et certains éléments extérieurs. Comme par exemple le nombre d'années que la personne a étudié, quelque chose de très important. 2, 3, 4 ans, c'est quelque chose de vraiment basique dans l'étude de la science. Sachez-le, même si vous êtes ici en France, il ne faut pas que les gens vous prennent pour, comme du bétail. C'est-à-dire, suivez-nous, nous avons étudié 2, 3 ans, ça y est, nous sommes nous sommes vos machaïrs. Comme certains l'ont dit, clairement. Ça vous embête de nous appeler chir, de m'appeler chir, ça vous embête, certains ils l'ont dit ici en France, des gens qui s'apparentent à la sunna. Prenez garde à cela, que les gens ne vous prennent pas pour du bétail, des gens qui ne sont jamais partis étudier, qui n'ont jamais vu peut-être les savants, peut-être pour certains d'entre vous, vous n'avez pas voyagé, etc., etc. Vous pouvez être, certaines personnes peuvent se moquer de vous, je vous le dis, certaines personnes peuvent se moquer de vous et se moquent de nous tous, en se faisant passer pour des gens qui ont vraiment étudié 2, 3, 4 ans dans l'étude de la science, ce n'est rien. L'étude de la science, c'est quelque chose qui demande de longues années. Comme il disait l'imam Ahmed, rahimahullah, et autres que lui parmi as-salaf, radhiyallahu alayhim ajma'in, il disait « ma' al-mihbara et l'al-makhbara » avec al-mihbara, c'est-à-dire l'encrier, jusque à la tombe, jusque arriver à la tombe, à ta mort. Tu seras toute ta vie dans talab al-ilm. C'est pour ça que certains parmi les ulama, al-kibar, ils le disent, ana talib ilm, je suis un étudiant en science. Et cette personne-là, nous avons la bonne pensée sur lui, ce n'est pas un menteur. Il est certes humble, mais il sait qu'est-ce que la réalité de la science. Il le sait car il lit les paroles des savants, il lit les ouvrages des savants. Il les a étudiés pendant de longues années. Il connaît sa place et il connaît la place des savants et des imams qui l'ont précédé. Donc cette personne-là, ces grands savants qui disent cette parole-là, ce ne sont pas des menteurs. Ils sont certes humbles, mais ce n'est pas un mensonge qu'il dit « je ne suis pas un savant ». Il le pense réellement, qu'il ne fait partie que des étudiants en science car il connaît les ouvrages des gens de science qui l'ont précédé, qui eux ont étudié pendant de très très longues années, qui eux sont sortis dans l'étude de la science, comme l'imam Abu Hatim al-Razi, qui est parti à ses 20 ans, avant ses 20 ans, qui est parti à pied faire le tour et qui a une rehla qui est très longue, qui a duré plus de 20 ans. Il est sorti de chez lui pour demander la science du hadith toutes ces années-là, et autres que lui parmi les grands imams de cette communauté. Donc faites bien attention, il y a ces facteurs-là, le nombre d'années qu'une personne a passé. Et vraiment, je vous le répète, 3, 4, 5 ans, ça c'est quelque chose de basique vraiment. Et la personne qui aura étudié ce temps-là, elle devra se conformer à ce que les gens de science lui ont indiqué, c'est-à-dire le fait de donner, de redonner ce qu'il aura appris, ce qu'il sera sûr d'avoir appris. Et la meilleure manière d'être sûr de ce que tu as appris, c'est que ta science a été validée par la personne chez qui tu l'as appris. Ça nous emmène à un autre sujet. Le fait de voir parmi ces éléments extérieurs qui te permettent de jauger et de juger de la personne, de cet étudiant en science qui est devant toi, chez qui cette personne a appris la science. Premièrement, chez qui, est-ce que c'était des gens de la sunna ou pas? Est-ce que ces gens-là sont encore sur la sunna? Est-ce que ces gens-là, s'ils ne sont pas sur la sunna aujourd'hui, qu'est-ce qui a été dit sur eux? Comme par exemple Mohamed el-Imam, qui était le directeur du Dar al-Hadith de Ma'bar, cette personne-là, les savants, quand ils ont parlé de lui, eh bien, ils le disent clairement que c'est une personne qui ne faisait pas attention au manhaj. C'est-à-dire, il donnait des cours, Sahih al-Bukhari, Muslim, Tafsir, etc., etc. Mais le manhaj, ce n'était pas sa priorité, pas du tout. Bien au contraire, ce qui est rapporté des étudiants qu'ils ont étudié là-bas, qu'ils déroutaient parfois les gens d'aller vers les livres de manhaj. Et c'est une personne que déjà à l'époque du Cheikh Muqbil, rahmatullah alayh, il disait, dans certaines cassettes qui sont enregistrées, il disait « Ya ahl ma'bar, antum ghafaloun » Oh vous les gens de ma'bar, vous êtes insouciants. Parce qu'il y avait des gens de l'innovation déjà à l'époque du Cheikh Muqbil, lorsqu'il était encore en vie, rahmatullah alayh, qui descendait dans son marquez à Muhammad al-Imam. Donc c'est quelqu'un de le manhaj. Vous avez compris, donc quelqu'un qui aurait étudié chez ces personnes-là, il faut bien voir, est-ce qu'il a étudié chez quelqu'un qui lui était quelqu'un qui était spécialisé dans le manhaj, qui était ou non, pour bien comprendre la personne qui est en face de toi, qui t'enseigne ta religion, etc. Comme cela, est-ce que cette personne a vraiment étudié chez les gens de science? Une chose qui est très répandue au jour d'aujourd'hui, telle et telle personne s'est assise à quelques cours des gens de science, eh bien c'est devenu l'élève d'un tel. C'est l'élève de Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Habidahullah Ta'ala, qui est Muhaddith al-Medina, qui dans son assise il y a 3000-4000 personnes. Et cette personne-là, il s'est assis tout au fond de l'assise pendant même 2-3-4 ans et c'est devenu son élève. Comment il est devenu son élève? Qu'est-ce que ça veut dire devenir l'élève, être tilmid? L'ulama, comme dans ce livre qu'on a cité au début du cours, de Badruddin ibn Jama'a, Tazkirat al-Sami' al-Mutakallim, etc., parmi ces livres qui t'enseignent comment étudier la science, comment te comporter en étudiant en science, comment faire la différence entre l'ulama et ceux qui n'en font pas partie, comment être un vrai étudiant en science, et bien ils ont traité ces sujets-là, le fait que tel madan, il a une porte bien précise pour qu'une personne soit appelée tilmid, élève d'un tel, ou même être connu auprès des savants. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est associé même des années auprès d'un savant qui est connu de lui. Vous comprenez, peut-être qu'il connaît sa tête, mais il ne le connaît pas. Donc il n'a pas suivi son parcours. Vraiment, faites bien attention à cela. Et encore une fois, je vous appelle à être minutieux sur les gens lorsque vous parlez de eux, telle et telle personne, oui, c'est l'élève d'un tel, telle et telle personne, c'est... il a étudié chez un tel, mais... Comment tu sais qu'il a étudié chez un tel? Parce qu'il t'a dit, j'ai étudié chez un tel. Vous le savez très bien que beaucoup de gens, malheureusement, c'est déjà arrivé, au jour d'aujourd'hui, leurs masques sont tombés, et c'est quelque chose qui arrivera encore, des gens qui prennent le public français, francophone, pour des ignorants et du bétail. Ici, ce qu'on fait, ici, alhamdoulilah, quand on apprend les bases de notre manhaj, et ce qu'on a fait depuis des années en vous mettant en relation avec les savants directement, eh bien, c'est afin de vous faire prendre conscience de cette chose-là. Donc soyez réactifs, réagissez par rapport à cette chose-là et faites bien attention à toutes ces choses-là. L'étudiant en sciences, et je termine sur cette parole de Shir Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, qui faisait partie des grands savants, il lui a été posé cette question. Et l'ajib, c'est que ce qui est étonnant, c'est que cette question a été posée par internet par des gens de France. Le questionneur vient de France. Il a été questionné quel est le rôle des étudiants en sciences. Et Shir, rahimahullah ta'ala, de répondre, il fait partie de nos grands savants, Shir Zayd al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, il a dit, dans le sens de ses paroles, le rôle des étudiants en sciences est de mettre en relation les gens de la masse des musulmans avec les savants de la communauté. C'est ça le rôle de l'étudiant en sciences. Donc à partir du moment où une personne ne te mettra pas en sciences, dans ses cours ne citera pas les savants, ne rapportera pas les sources d'où il a pris la science, les sources d'où il le rapporte, ou à la base déjà tu ne sais pas d'où est-ce qu'il a pris la science, cette personne-là, eh bien tu ne t'assois pas chez lui, tu ne prends pas la science. « Inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum » Certes, cette religion est une science, regardez donc de qui vous la prenez. Soyez minutieux sur cela et faites attention lorsque tu rapportes des paroles d'une personne, il n'y a pas de mal à dire où est la preuve dans cela. Demandez à la personne où est la preuve. Qui es-tu? Je viens assister à ton cours, je ne te connais pas. Qui es-tu? Où est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as fait? Etc. Qui te connaît parmi les étudiants en sciences, parmi les ulama, etc., etc. Ça nous amène encore à un autre sujet qui est le sujet des recommandations et teskiyat. C'est quelque chose qu'on traitera plus tard, inshallah ta'ala. Wa ila huna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.